43e chapitre. Mon meilleur drame et mon meilleur ami. Ce fut cette année-là que je partis pour le département de l'Yonne et que je fis connaissance avec mes deux excellents compagnons de chasse, Guénier et Charpillon. Mais cette année, je l'ai dit, il ne fallait pas songer à la chasse. Je me trompe, je fis au contraire la plus rude chasse que j'eusse jamais faite, la chasse aux électeurs. J'ai déjà raconté, je ne sais où, que 900 individus s'étant trouvés en France plus intelligents que moi, j'étais revenu bredouille. Faites-vous expliquer, chère lectrice, par le premier venu de mes confrères en Saint-Hubert, ce que veulent dire ces deux mots, revenir bredouille. Et cependant, en me présentant aux électeurs comme député, je faisais un sacrifice à la patrie. Comme député, je ne touchais plus que 25 francs par jour, tandis que, comme journaliste, je continuais d'en gagner 31. La situation dura un an. Je parle de ma situation et non de celle de la France. Pendant cette année, je vis s'accomplir le 15e changement de gouvernement auquel j'ai assisté depuis le jour de ma naissance. Vers le 25 août 1849, je me trouvais avoir devant moi une somme de 300 francs. Comme la chose peut paraître extraordinaire en ces jours de disette, hâtons-nous de dire que je ne l'avais ni emprunté, ni volé. Non, mais j'avais fait un drame intitulé « Le comte Hermann ». Il pousse autour de chacun de mes drames qui vient au monde tant d'histoires incroyables que chacun fait semblant de croire que je ne suis pas fâchée de raconter un peu en détail la naissance de celui-ci. Un jour, un de mes confrères, nommé Lefebvre, vint m'apporter une comédie reçue au Vaudeville et ayant pour titre « Une vieille jeunesse ». Malgré mes insistances pour ne pas l'entendre, il me l'a lue en me priant de refaire la pièce et de devenir son collaborateur. J'ai toujours eu la terreur de la collaboration et par facilité de caractère, je m'y suis cependant toujours laissé entraîner. Cette fois, je résistais et quoique j'entrevisse à travers un brouillard les cinq actes d'un grand et beau drame qui n'aurait aucun rapport avec la petite comédie en trois actes que me lisait Lefebvre, je lui répondis. « Je ne veux pas travailler à votre pièce. Faites-la jouer puisqu'elle est reçue. Tirez-en le plus d'argent possible et quand le théâtre l'aura abandonnée, moi, je vous en donnerai 1000 francs de votre sujet. » Lefebvre entrevoyait un moyen de tirer plus d'argent de sa pièce morte qu'il n'en espérait de sa pièce vivante. Aussi me fit-il répéter, ne comprenant rien à ma proposition. Je la lui répétai. Il l'a compris et l'accepta. 6 mois après, la pièce était jouée. Elle était tombée morte de la chute et son auteur m'apportait le cadavre. La pièce n'avait pas même été imprimée. Comme toujours, je laissais reposer le sujet jusqu'à ce que le désir m'en prît. Un beau matin, le comte Hermann se trouva fait dans ma tête. 8 jours après, il était couché sur le papier. 1 mois après, il se relevait sur les planches du théâtre historique, sous les traits de Mélingue, appuyé au bras de Madame Personne et de la Ferrière. C'était un de mes meilleurs drames. Ce fut un de mes plus beaux succès. En somme, grâce à ce succès, je me trouvais, comme je vous l'ai dit, vers le 25 août, possesseur d'une somme de 300 francs. J'entendis parler alors d'un certain monsieur Bertram ayant une chasse à louer aux environs de Melun. Je courus chez lui. Il demeurait rue des Marais Saint-Germain à un 4e étage. La chasse n'était point à lui. Elle appartenait à monsieur de Montesquieu. Son prix était de 800 francs. Nous débattîmes un instant la somme et il me laissa le loyer de la chasse pour 600 francs. Sauf une condition. Je partirai le lendemain avec un mot de lui. Je ferai le tour du terroir, accompagné du garde, auquel ce mot était adressé. Je m'assurerai de la quantité de gibier que la chasse contenait, et si j'étais content, nous signerions au prix susindiqué. Le lendemain, en effet, je pris avec moi Pritchard, j'emportai mon fusil, une douzaine de cartouches, et je partis par le chemin de fer de Melun. À Melun, je m'enquis du lieu où ma chasse était située, et, moyennant 5 francs, une voiture se chargea de me conduire et de me ramener. La moisson avait été précoce cette année, de sorte que, dans le département de la Seine et dans les départements environnants, la chasse s'était ouverte la veille, 25 août. Je trouvai le garde. Il prit connaissance du billet de M. Bertram, qui m'autorisait en même temps à tirer quelques coups de fusil, et comme son désir le plus vif était que la chasse fût louée, ce qui n'était pas arrivé l'année précédente, le garde, après avoir jeté un coup d'œil assez méprisant sur Pritchard, se mit en route, me montrant le chemin. En sortant de sa maison, on entrait en chasse. Pritchard monta sur un petit tertre et aperçut au loin une pièce de bête rave qui verdoyait. Il traversa rigidement et en ligne droite une pièce de terre labourée se dirigeant vers les bêtes raves. Je le laissai faire insoucieusement. « Monsieur, me dit le garde, je vous ferai observer que votre chasse n'a que 500 arpents de terre, 8 ou 10 compagnies de perdreaux et 300 ou 400 lièvres. Si vous ne retenez pas votre chien, il va attaquer la meilleure de nos pièces et en faire partir 5 ou 6 lièvres et 2 ou 3 compagnies de perdreaux avant que nous l'ayons atteinte. Ne vous inquiétez pas de Pritchard, lui dis-je. Il a sa manière de chasser à lui, manière à laquelle je suis accoutumée. Laissons-le dans sa pièce de bête rave et voyons ce qu'il y a dans ce champ labouré qui nous sépare d'elle. Il doit y avoir 2 ou 3 lièvres, monsieur. Eh, tenez, tenez, en voilà un qui part devant vous. Avant que le garde eût achevé, le lièvre était mort. Pritchard ne s'inquiéta pas du coup de fusil et fit le tour de la pièce pour prendre le vent. Pendant ce temps, un second lièvre me partait. Je lui envoyai un second coup de fusil. Il était si grièvement blessé qu'au bout de 100 pas, il fut obligé de s'arrêter, puis s'étendit. Il était mort, comme le premier. Pritchard, qui était tombé en arrêt, ne s'inquiéta ni du coup de fusil, ni du lièvre qui était allé mourir à 20 pas de lui. Le garde se chargea des 2 lièvres, en me faisant observer que le billet de M. Bertram m'autorisait bien à tirer quelques coups de fusil, mais que lui croyait devoir me prier de ne plus tirer sur les lièvres, de chasser les perdrix seulement. « En ce cas, lui dis-je, faisons un détour et prenons le vent comme a fait Pritchard. » « Ah, monsieur, me dit le garde, votre chien ne vous attendra pas. » « Soyez tranquille, lui dis-je, vous allez le voir travailler. Seulement, si vous avez quelque chose à faire, votre pipe allumée par exemple, allumez-la. « Merci, je viens de la remettre dans ma poche. » « Eh bien, alors, dis-je en tirant une gourde de ma poche, buvez une goutte de cette eau-de-vie. C'est d'excellente fine champagne. » « Ah, une goutte d'eau-de-vie, monsieur, ça ne se refuse pas, dit le garde. « Mais votre chien ? » « Oh, mon chien, je vous ai dit que nous avions le temps. Prenons-le. Savez-vous qu'il y a déjà 5 minutes qu'il est en arrêt ? Combien nous faut-il de temps pour le rejoindre ? 5 autres minutes, à peu près. Et 5 minutes pour nous reposer. Quand nous l'aurons rejoint, ça nous fera 1/4 d'heure. « Voilà un crâne chien tout de même, » dit le garde. « C'est malheureux qu'il lui manque un œil et une patte. »« Regardez-le bien quand nous l'aurons rejoint, » lui dis-je en riant, « et vous verrez qu'il lui manque encore autre chose. » Nous rejoignîmes Pritchard au bout de 5 minutes. « Dans 5 minutes, » dis-je au garde, « nous allons essayer de lui tuer 2 perdrix devant le nez. Et si nous réussissons, vous verrez qu'il ne bougera pas de son arrêt, que je n'ai eu le temps de recharger mon fusil. « S'il le fait comme vous le dites, » répliqua le garde, « c'est un chien qui vaut 500 francs comme un liard. » « Oui, » répondis-je, pendant les 8 premiers jours, c'est-à-dire tant que le gibier tient. Maintenant, ajoutai-je, nous allons essayer une chose. D'après le rayon visuel de Pritchard, il me paraît arrêté à 10 pas à peu près devant lui. Eh bien, je vais reculer de 15 pas. J'enverrai mon coup de fusil où il regarde, probablement au milieu d'une bande de perdrix. Si je n'en tue pas et que les perdrix restent, Pritchard ne bougera pas. Si j'en tue une ou deux et que les autres ne s'envolent pas, Pritchard ne bougera pas davantage. Si toute la bande s'envole et que parmi la bande il y en ait une de blessée, Pritchard la suivra jusqu'à ce qu'elle tombe. Le garde fit un signe des épaules et de la tête qui signifiait « Dame, s'il fait cela, je n'ai rien à dire. » Je reculai de 15 pas. Je m'agenouillai et dans la direction du nez de Pritchard, je lâchai mon coup de fusil. Deux perdrix firent la culbute, montrant leur ventre blanc et se débattant, tandis qu'à 4 pas d'elle, un lièvre partait, détalant comme si le fusil avait été tiré pour lui. Pritchard ne bougea pas. « Eh bien, » dis-je au garde. « Ah, » fit-il, « allons jusqu'au bout, monsieur, c'est trop curieux. » Je rechargeai mon fusil et rejoignis Pritchard. Pritchard me regarda comme pour me demander si j'étais prêt et sur ma permission força l'arrêt. Une bande de 15 ou 16 perdrix partit. J'en tuai une du premier coup. Du second, j'en blessai une dans les reins. Et, selon l'habitude des perdrix blessées à cet endroit, elle s'éleva d'un vol presque vertical. Ce que j'avais prédit arriva. Pritchard ne s'occupa que d'elle, la suivit à la fois de l'œil et de la course, et quand au bout de son vol, elle tomba lourdement, ce fut presque dans sa gueule. Il n'y avait pas besoin de pousser la chasse plus loin. Je savais ce que je voulais savoir. Le terrain était giboyeux. Je revins à Paris, je courus chez mon ami d'Orsay, je lui fis part de ma bonne fortune. Je le trouvai occupé à faire un buste de Lamartine. D'Orsay, le comte d'Orsay, frère de la belle madame de Gramont, est un de ces hommes dont j'aime à retrouver de temps en temps le nom sous ma plume. J'ai toujours quelque chose à en dire de nouveau, et non seulement de nouveau, mais encore de bon. D'Orsay faisait donc le buste de Lamartine, car en même temps qu'il était grand seigneur, D'Orsay était un grand artiste. Il dessinait et sculptait avec une élégance parfaite. Peut-être la science avait-elle quelque chose à reprendre à ses dessins et à sa sculpture, mais nul n'avait comme lui le sentiment de l'idéal. Le seul portrait qui nous soit resté de Byron, celui que le poète a exigé que l'on mit à la tête de ses œuvres, était de D'Orsay. Ce goût extrême l'accompagnait dans tout. Médiocrement riche et forcé, vers la fin de sa vie de regarder à ses dépenses, après avoir été l'homme le plus fashionable de France et d'Angleterre, il avait loué, je ne me rappelle plus dans quelle rue, pour 800 francs, une espèce de grenier dont il avait fait l'atelier le plus élégant de tout Paris. Pendant 10 ans, il avait donné le ton à la France et à l'Angleterre. Son tailleur, dont il fit la fortune, était renommé pour son habileté à habiller les gens selon la classe à laquelle ils appartenaient, faisant des distinctions d'une subtilité incroyable. Un jour, un gentilhomme campagnard, ami d'Orsay, vint passer un mois à Londres. Il va faire une visite au comte et lui dit « Cher ami, me voici, mais ce n'est pas le tout. Je viens passer un certain temps à Londres. Je voudrais ne pas être ridicule. Je ne suis ni un dandy, ni un marchand de la cité. Je suis un gentilhomme campagnard. Regardez-moi bien et dites à votre tailleur comment il doit m'habiller. » D'Orsay le regarde. Va à la collection de ses cannes. D'Orsay avait 50 ou 60 cannes. En choisit une dont la poignée était une patte de chevreuil recourbée et ferrée d'argent. « Tenez, » dit-il à son ami, « allez trouver Blindem et dites-lui de vous habiller pour cette canne-là. Et Blendel habilla le gentilhomme pour cette canne et sur la seule vue de cette canne. Et jamais le gentilhomme, il l'avoua lui-même, ne fut mieux habillé. C'était des merveilles que les dessins de Dorcé. Je me rappelle un soir où, chez Maznev, jeune russe de mes amis, il passa la soirée à faire de nous tous des dessins à la mine de plomb. Jamais je n'ai vu collection plus curieuse que cette collection au milieu de laquelle se trouvait le portrait d'une jeune fille, charmante incontestablement, mais qu'il avait fait chose rare, je ne dirais pas plus jolie, mais plus angélique qu'elle n'était. Qu'est devenu ce portrait auquel il n'y avait qu'à mettre des ailes pour qu'on le crût de Beato Angelico? Dorcé était non seulement élégant, mais encore d'une beauté parfaite. Non seulement d'une beauté parfaite, mais encore d'un esprit charmant. Il fut ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Je venais lui proposer de prendre la chasse à nous deux. Il y consentit, mais à la condition que nous nous adjoindrions le duc de Guiche, son neveu, aujourd'hui duc de Gramont, ambassadeur de Vienne. Je ne pouvais rien désirer de mieux. J'aimais Guiche autant que j'aimais Dorcé, c'est-à-dire de tout mon cœur. Nous prîmes donc la chasse à nous trois. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, nous résolûmes d'en faire l'ouverture dès le surlendemain. Nous allâmes signer le bail le même jour chez Maître Bertram, qui nous fit une petite restriction. C'est que pour nos 600 francs, nous ne pourrions tuer que 100 lièvres, ce qui nous faisait 33 lièvres chacun. Les perdrix étaient par-dessus le marché. Celui qui tuait un lièvre de plus que son compte était quitte pour payer 5 francs aux gardes. À midi, le jour de l'ouverture, j'avais tué 11 lièvres. Inutile de dire que Pritchard avait été de la part de mes deux aristocrates amis l'objet d'une raillerie dont, selon son habitude, il se tira à son honneur.